Het handshow van Cocoon Sven Veet heeft zich al huppelend met een fles champagne opgewarmd voor zijn DJ-set. Je hoort hem helemaal hier bij 58 Dance Department in de mix. Jetzt geht los, Herr Vat. We'll be right back. and gentlemen, say thank you for the music to Dominic Elberg! When the gods came down to earth, they say, let there be light. When the dark powers came down to earth, they said, let there be night. And then the people came down to earth and they say, let there be night light. And so there were a club. And then the DJ said, let there be techno. So the freaks come out for Mr. Cocoon himself, Sven Fair. Check that sound. We'll be right back.

Amsterdam Dance Event. We'll be right back. We'll be right back. Show en Sven Faith. Thank you. 2007. Dit is Dennis Ruijer live vanuit The Sand in Amsterdam. Dance Department vanaf Cocoon, The Freak Show met Sven Faith. the power. Feel the power. Feel the power. Feel the power. Feel the power of the night. Feel, feel, feel, feel, feel, feel, feel, feel, feel, feel.

brillant. Il vient de la part d'Hassan. Il voudrait fumer l'opium. Seigneur, qui descend? Voilà une natte inoccupée. On va vous apporter les pistes. Qu'est-ce que vous voulez? Hashish ou opium? Suivez-moi. Dit is Dennis Ruyer live vanuit The Sand in Amsterdam. Dance Department vanaf Cocoon, The Freak Show met Sven Veith. Thank you. Amsterdam. Dance Department vanaf Cocoon. The Freak Show met Sven Veith. Thank you. and Sven Faith. Yeah.

Amore con il sole, We'll be right back. to the stars. We'll be right back.